Le problème, c'est que nous, notre société, elle a échoué. Elle n'a pas échoué parce que les Occidentaux sont venus nous voler notre science ou nous voler notre richesse ou autre. Elle a échoué parce qu'elle a fait des choix pourris, elle a fait des choix de loser, c'est tout, aussi simple que cela. Sauf que ce n'est pas quelque chose qu'on dit à nos enfants. Pourtant, on devrait le leur dire. C'est pour ça que je le dis des fois avec virulence, avec agressivité. Parce qu'il faut que les enfants, les jeunes et les moins jeunes, l'entendent. Notre société a suivi une voie de loser, mais tellement de loser, mes amis, que finalement, elle est devenue spécialiste en mort. Vous voyez ce que je veux dire? Ça signifie, on a suivi une religion qui nous offre la garantie de nous détruire notre vie. C'est garanti. Je veux dire, c'est pas quelque chose qui apportait du bonheur à qui que ce soit durant les 1400 dernières années. C'est vrai, ça c'est la vérité. Je veux dire, c'est un fact, c'est un fait. Maintenant, elle te dit, je te détruis ta vie, c'est vrai. Dans cette vie, je ne te donne aucun espoir. Par contre, je te dis un truc. Quand tu mourras et tu iras dans ta tombe, tu verras la fête qui va commencer. D'accord ? Elle te dira, tu deviendras littéralement zombie heureux. Voilà. Elle te promet de te réveiller en tant que zombie et tu seras vraiment le meilleur des zombies. Tu seras le zombie le plus heureux, celui qui aura le plus de femmes, celui qui aura le plus de force, celui qui aura le plus joli manteau, celui qui sera. Je vais dire, pardon, mais c'est tout ce qui nous est resté. Comme promesse. Et c'est pour ça qu'on a échoué, c'est pour ça qu'on s'est cassé la gueule. Parce que nos enfants, on a des enfants de 14 ans qui, au lieu de réfléchir à la vie, à comment vivre, réfléchissent à comment être le meilleur zombie une fois qu'ils sont morts. Tu comprends? C'est pour ça qu'on s'est cassé la gueule. Le problème, c'est que ce qui s'est passé, c'est que très peu de nos dirigeants, de nos intellectuels ont été honnêtes avec les générations. Ils leur ont dit réellement pourquoi on s'est cassé la gueule. Alors, à l'école, moi j'étais au lycée, à l'école, on nous expliquait justement que tous nos problèmes viennent des Occidentaux, hein, qui un jour, nous étions des peuples extrêmement civilisés, extrêmement développés, extrêmement heureux, nous vivions très bien, et puis un jour les Occidentaux, extrêmement jaloux, je vous parle exactement c'est exactement la même chose, hein, c'est exactement la même chose que je suis en train de vous dire par rapport au gars qui dit à ses enfants que c'est les voisins qui nous ont tout pris. Ils sont venus, ils nous ont tout pris. En fait, ils ont fait des razzias. Alors que les razzias, c'était plutôt notre marque de fabrique, c'est la marque de fabrique des crapules qui nous dirigeaient. Faut dire la vérité, parce que, je vous explique, là je vais bien m'asseoir parce que là je vais parler. Les crapules qui nous dirigeaient, les califes, vu que leur despotisme, leur corruption, la pourriture qu'ils créaient de haut en bas, qui pourrissait jusqu'au dernier de la société, qui mettait dans la boue, dans l'égout, jusqu'à la dernière personne de la société, qu'est-ce qu'elle a fait cette pourriture? Mais cette pourriture a chassé les ondes de science, a chassé le savoir, a chassé l'esprit critique, a chassé l'intelligence, a chassé la justice. D'accord? Regardez juste les noms des soi-disant savants arabes. Et vous allez voir que la majorité ont été excommuniés, certains ont été tués, chassés. D'accord? Par les dirigeants pourris. Donc, le dirigeant pourri, spécialiste en zombie, spécialiste en afterlife, spécialiste en mort. Il veut vivre, il veut de la femelle, il veut des harems pleins de jeunes filles, il veut des châteaux pleins de dorures, mais il ne peut pas créer tout ça. Il vit dans une société qu'il a corrompue de haut en bas. Comment il fait pour obtenir les biens de bouche à votre avis? Quelle est la seule et unique manière d'obtenir un objet? Monsieur, celui qui a écrit la préface, Al-Muqaddima, il répond avec, comment il s'appelle déjà? J'ai son nom sur le, certains le mettront en commentaire. Il a dit que ces gens, leur seule manière d'obtenir un bien de consommation était d'aller le voler. Ça signifiait qu'ils devaient organiser des razzias annuelles, devaient organiser de la piraterie, parce que leur seule façon d'obtenir un bien était d'aller le voler à ceux qui le possèdent et tuer ceux qui le possèdent au passage. Voilà l'histoire. Donc, c'est pour ça que nos sociétés ont été pourries. Mais personne n'a le courage d'aller le dire aux nouvelles générations. Alors on leur dit, les Occidentaux sont venus, ils ont fait des razzias chez nous. Il nous en prie notre science, notre savoir. Puis après notre savoir, ils ont construit le leur et puis ils sont devenus ce qu'ils sont devenus. Moi, j'étais au lycée, j'avais aucune arrière-pensée. J'étais juste un ado. J'apprenais cette nouvelle et je disais au prof, mais écoutez, mais s'ils nous ont pris notre savoir, d'accord, ils nous ont pris notre savoir, je veux bien admettre. Aucune arrière-pensée dans la question, je vous assure. Donc, à ce point-là, au moment où ils prennent le savoir, nous avons le savoir, ils ont le savoir, parce que le savoir n'est pas un bien tangible que tu peux voler. D'accord ? Donc, à ce moment-là, dans le meilleur des cas ou dans le pire des cas, c'est comme vous voulez, nous sommes exactement au même point, question savoir. Donc pourquoi eux arrivent jusqu'à la Lune et envoient des satellites et nous on est encore là, l'eau ne monte pas au troisième étage? Aucun prof n'a pu me répondre à cette question. Pourquoi? Parce que le mensonge ne peut pas se défendre, le mensonge est indéfendable. Et donc, là l'eau ne monte pas au troisième étage. Aucun prof n'a pu me répondre à cette question. Pourquoi? Parce que le mensonge ne peut pas se défendre, le mensonge est indéfendable. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que c'est ce qu'on bourre dans le crâne des jeunes. Parce que je vous ai longuement parlé de comment on utilise la religion pour créer des djihadistes, pour créer des assassins, des tueurs. Mais il faut savoir que ce n'est pas cela. On utilise l'histoire aussi.